Père barbare, achève. Achève ton ouvrage. Cette seconde hostie est digne de ta rage. Joins ta fille à ton gendre. Ose. Que tardes-tu? Tu vois le même crime ou la même vertu? Ta barbarie en elle a les mêmes matières. Mon époux, en mourant, m'a laissé ses lumières. Son sang, dont tes bourreaux viennent de me couvrir, m'a dessillé les yeux et me les vient d'ouvrir. Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé. De ce bienheureux sang, tu me vois baptisé, je suis chrétienne enfin. N'est-ce point assez dit? Conserve en me perdant ton rang et ton crédit, redoute l'empereur, appréhende sévère, si tu ne veux périr, ma perte est nécessaire. Polyeucte m'appelle à cet heureux trépas. Je vois Néarque et lui qui me tendent les bras. Mène-moi voir tes dieux que je déteste. Ils n'en ont brisé qu'un, je briserai le reste. On m'y verra braver tout ce que vous craignez, ces foudres impuissants qu'en leurs mains vous peignez, et saintement rebelles aux lois de la naissance, une fois envers toi, manquer d'obéissance. Ce n'est point ma douleur que par là je fais voir, c'est la grâce qui parle. Et non le désespoir. Le faut-il dire encore, Félix? Je suis chrétienne. Affermis par ma mort ta fortune et la mienne. Le coup à l'un et l'autre en sera précieux, puisqu'il t'assure en terre en m'élevant aux cieux.